Still love me? Take this. You ready? One, two, three. J'ai pas compris le début de mes écrits, le rébut de mes récits. J'suis drogué donc pas précis. J'avoue, ces phases à nu, je les apprécie. Elles me sont précieuses et m'offrent une garantie. Un constat de ce qui m'entoure ici. J'ai pas compris qu'à ce moment, fallait prendre la tangente. Pas de lame tranchante, mais une vie qui m'enchante. J'ai pas compris quand j'ai trouvé cette perle laissée. J'ai fait n'importe quoi alors que j'avais le collier entier. J'ai pas compris l'histoire de fortune, d'infortune. L'individualisme tue, je voudrais pouvoir donner un peu de thune. J'ai pas compris la mauvaise intégration des moins de 20 ans. L'orgueil, le rejet, la rage a fait de nous des non-voyants. J'ai pas compris, non franchement, le vote de certains. Sarko dans la boîte à Larsin et dire que je tapais cousin. J'ai pas compris pourquoi sur Terre on est orphelin. Que les géantes multinationales dirigent nos fonds rien. J'ai pas compris toutes ces insultes diluviennes. J'ai pas compris le but du prod qui dit les veines. J'ai pas compris les frères se servant d'un grand arrêt pour une mort instantanée, nostalgie d'un instant fané. J'ai pas compris dans mon pays on refoule les pommades, pas de promenade et après les coups on passe la pommade. J'ai pas compris pourquoi les SDF sont au frais l'hiver, au frigidaire, acteur principal des faits divers. J'ai pas compris la construction de tous ces chars verts, la guerre, les morts, destruction d'une solide charnière. J'ai pas compris la nuit, l'utilité des tubes à néon ou une cure de béton et finir buté comme Léon. J'ai pas compris les femmes, leur sein, le silicone, un prod si vite stone, tu vois, man, mes silicones. J'ai pas compris pourquoi pour un sachet blanc les accros battent, un monde grisâtre où le cerveau devient acrobate. J'ai pas compris les caméras, les journalistes, les interviews, fan du RAP à l'image de ce qu'un tifosi à l'interview. J'ai pas compris qu'on continue à nous battre les genoux fléchis, les CRS donne guns on, violent comme Joe Pesci. J'ai pas compris le refus du craft dans une ville anthracite, le surplus de couleurs fait peur comme une enveloppe dans Trax vide. J'ai pas compris l'acharnement de cet enculé de commissaire, futur détruit d'un pote pour des fautes commises hier. J'ai pas compris mon ordonnance pour tous mes symptômes, hyper stressé aux dépendances du ordonnerait tous les symptômes. J'ai pas compris la ségrégation, le viol, le kidnapping, ici on mord la poussière chaque jour en attendant une fin happy. J'ai pas compris l'obsession pour le nouvel ordre mondial, maintenir vos discours ramènera au désordre moral. J'ai pas compris pourquoi on ne ramasse plus l'heure à l'appel, on puise et puise révoltant, t'as dit c'est l'heure à l'appel. J'ai pas compris le fichage de la France, un vrai photomaton, le scandale des prisons et ça c'est la photomaton. J'ai pas compris le fait que selon ton temps on persécute, Renoir que blanc, rebeu, chinois, indien, perse ou turc. J'ai pas compris le show business, la jet set, tous gratins, tous baratins, ce qui est sûr, le moche sur le rap à nous crapins. J'ai pas compris l'éternel conflit israélo-palestinien, l'ignorance des cultures d'un passé dont on estime rien. J'ai pas compris l'existence au 21ème siècle des bidonvilles, les petits conflits pour un tel sans fil et leurs petits sons de fil. J'ai pas compris pourquoi l'homme facture chaque minute de nos vies circulaires, fracture nos chances écologiques d'avoir un ciel pur d'air. Ils ont pas compris qu'auprès de nous ils ont pas la cote, côte à côte on boycott, il faut un retour, les boys truck. J'ai pas compris que c'est en France, c'est important d'être diplômé, mon rap, mon bac, la littérature française me dit pionnier. J'ai pas compris, on se dit tous fils d'Adam et Ève, et pourtant un saut du tiers monde regarde ses dents, des dents et crèves. J'ai pas compris la déforestation et les mers de mazout, la nature et l'eau, regarde, c'est grâce à ça que tu casses la croûte. J'ai pas compris l'interdiction de cultiver le canard, crois-moi, c'est le meilleur substitut qu'il y ait contre l'or noir. J'ai pas compris ce que nous voulons laisser de notre patrimoine, on a semé, on récolte, rappelle-toi, avant y avait patrimoine. J'ai pas compris qu'on considère nos frères comme paresseux, vu qu'on nous empêche d'avancer comme une vague qui a pas des yeux. J'ai pas compris, Babylone veut nous transformer en Chinma, société telle la Chinra, des neurones contrôlés comme les Chinois. J'ai pas compris qu'on tape sur le doigt des banlieusards, une banlieusard où le stress évacue sur un banlieue de soir. J'ai pas compris la valse des feux dans l'ambulance, chez ta souris grandit quand sur terre l'abundance. J'ai pas compris frangin, la cocktail. Regarde-moi quand j'ai des soucis et ben je me soigne au cocktail. J'ai bien compris que la jeunesse se lève tôt, on guérit pas, on veut guérir le monde, médecin comme Ernesto Guevara. J'ai bien compris le résultat cérébral de pis en verre, le remède infaillible lors d'un cuise en revers. J'ai pas compris la richesse extérieure d'une grosse cylindrée cintrée dans un trois quarts, l'objectif c'est gosse y cingler. J'ai pas compris les adeptes sataniques et leur culte, la conspiration mondiale, le projet ARP et ses buts occultes. J'ai pas compris que les terriens ne veulent plus de leur planète, éveillement spirituel et le remède à notre planète. J'ai bien compris qu'un texte de rap marque